Dernier lundi du mois de juillet 2021, nous sommes à 19h précises dans le studio de la radio associative indépendante Bonesha FM. Même heure à Ruirizi, commune Mutimbuzi et à Bugendana, c'est dans la capitale politique Gitega, le journal parlant langue française. Le journal avec Willy Sintaiheura. De l'autre côté vitré, nous sommes avec Didier Ilambona d'abord, les grandes articulations. Pénurie des produits Braoudi se fait parler d'elle dans la capitale politique Gitega ces derniers jours. L'ORICOM dénonce le comportement des autorités burundaises pour faire face à cette pénurie des produits et l'action pour la réconciliation et la gestion du passé au Burundi. Argebu demande à la CVR de tranquilliser tous les esprits sans distinction aucune. Voilà pour la charpente. Bonsoir et bienvenue dans cette actualité de la soirée. Débutons par l'économie. Il s'observe une flambée des prix du charbon dans la zone Rubirizi, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Les vendeurs du charbon font savoir que les prix se sont multipliés par deux à cause de la montée des taxes prélevées par l'Office burundais des recettes OBR lors du transport. Il demande aux autorités habilitées de tout faire pour que ces prix du charbon cessent d'augmenter. Ephrem Tchiza pour plus. Ces vendeurs de charbon disent qu'ils ne comprennent pas la cause de cette flambée des prix du charbon qui s'observe dans ces jours-ci à Rubirizi, dans la commune de Mutimbuzi, de la province de Bujumbura. Maintenant, le prix du charbon a sensiblement augmenté. Le sac qui se vendait à 30 000 ou 32 000 fabous l'année passée, maintenant se vend à 40 000 fabous ou à 42 000 fabous. Le sac qui se vendait à 20 000, maintenant se vend à 35 000 fabous. Nous ne comprenons pas pourquoi la situation est ainsi. Les autres vendeurs du charbon avec qui nous sommes entretenus, mais qui n'ont pas voulu s'exprimer à nos micros, font savoir que parmi les causes de la montée des prix figurent les taxes de l'Office burundais des recettes OBR qui se sont multipliées par deux. Avant, les taxes par sac du charbon étaient à 500 francs burundais, mais maintenant, ils s'élèvent à 1250 francs burundais par sac. Ce vendeur du charbon affirme que la montée des prix de ce produit cause problème avec les clients, car ces derniers se lamentent beaucoup. Les clients se lamentent beaucoup. Certains refusent de prendre la quantité que nous leur donnons. Ceux qui acceptent d'acheter cette quantité, le lendemain, ils ne reviennent pas. Et cela fait que je travaille à perte. Ces vendeurs demandent aux autorités habilitées de tout faire pour que ces prix diminuent. Ceux qui sont chargés de collecter les taxes devraient analyser la situation afin de savoir si ceux qui sont sur terrain travaillent conformément à la loi. La situation est ainsi au moment où le prix du charbon baissait pendant la saison sèche. Merci à Ephrem Tchiza. Et non seulement cette flambée plutôt des prix du charbon qui se remarque, dans la capitale politique Gitega, la pénurie des produits Braoudi, surtout dans la commune Bugendana de cette province de Gitega, les spéculateurs sont remarquables et la population demande au gouvernement de sanctionner sévèrement les commerçants spéculateurs. Plus de détails avec Jide Naisenga. Nous sommes précisément dans le secteur Chunwe de la colline Kibungo, commune Bugendana, province de Gitega. Ce dimanche, les gens circulaient dans différents bistrots pour voir qu'ils peuvent y trouver des boissons de la Braoudi. Ces citoyens affirment que les commerçants ont profité de cette pénurie pour hausser illégalement les prix de ces produits Braoudi. Ils semblent trouver ça normal. L'Amster j'achète à 2000 primus, 1800 petits primus, 1300 comme on a soif. Si un commerçant te dit ce prix, tu peux à l'aise comme tu veux de quoi boire et te vendre. Par exemple, pour le moment, ceux qui cherchent du primus ne le trouvent pas. C'est pourquoi ils vendent le primus à 1800. Là, on ne peut pas dire beaucoup de choses car même les commerçants de bistrot ne parviennent pas à s'approvisionner en ces boissons de la Braoudi. Ils déplorent que même les administratifs à la base consomment tranquillement ces produits braloudis à ces prix exorbitants. Si un chef de colline lui aussi achète ses boissons à ces prix élevés, nous aussi les citoyens, nous prenons ces boissons de la braoudie à tel prix, car c'est lui, le chef, qui allait dénoncer la hausse des prix de ces produits braoudis. Demandons à la braoudie de produire des boissons en quantité suffisante pour résoudre ce problème de hausse des prix des produits braoudis. Les prix reconnus officiellement à Bugendana pour les produits braoudis sont 1500 pour Primus, 72 centilitres. Amstel 65 centilitres devrait coûter 1900. Ces personnes rencontrées à Bugendana appellent les différentes autorités à visiter cette commune pour constater elles-mêmes cette spéculation. Merci Edi Dendaïsenga. Notons que cette pénurie des produits braoudis se remarque aussi dans différents coins à travers le pays. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, ORICOM, se dit très préoccupé par cette pénurie des produits braoudis qui persiste depuis plusieurs années. Gabriel Ufiri dénonce le comportement des autorités burundaises sur le faire face à cette situation. Il demande la mise en place d'une commission neutre pour faire face aux causes de cette pénurie afin de trouver des solutions exactes et définitives à cette pénurie. Gabriel Ufiri, président de l'ORICOM. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est des produits de la braoudie, mais nous attendons souvent qu'il y a ce genre de problème. Donc, pour ORICOM, en tout cas après plusieurs années d'observation, depuis le règne de Buyoya 1, Buyoya 2, Buyoya 3, nous voyons qu'il y a un problème vraiment grave. Quand nous regardons plusieurs régimes qui se sont succédés, la manière dont ils ont traité cette question, nous voyons que ce sont des réponses superficielles données à ces questions. Par ailleurs, ORICOM a participé dans certaines commissions où il a été obligé de quitter parce qu'il voyait que le traitement de ces questions était superficiel. Nous pensons qu'il est temps vraiment, si ce n'est pas tard, de faire un appel international pour qu'on puisse avoir un bureau d'études qui pourrait vraiment étudier les vraies questions qui causent ce genre de problème. Parce que tantôt nous entendons qu'il y a des commerçants qui cachent ces produits, tantôt nous attendons qu'il y a pénurie, ça c'est le discours officiel des autorités de tous les régimes. Mais au sein de l'ORICOM, nous voyons qu'il y a d'autres problèmes récurrents vraiment. Par exemple, les mandataires publics qui se trouvent dans ce commerce, mais aussi d'autres facteurs comme l'importation de la matière première et d'autres problèmes. Donc, pour nous, ce qui pourrait nous aider, c'est vraiment de mener une étude approfondie qui pourrait dégager des solutions définitivement et de manière irréversible. Et plus de 107% des fonds ont été collectés par le ministère des Finances, du budget de l'État et de la planification économique. L'an budgétaire 2020-2021 est toujours, selon les prévisions, 99% des réalisations ont été faites dans cette année d'exécution qui s'est achevée au mois de juin dernier. Domitien Diokoubraï, ministre en charge des Finances, l'a dit ce lundi lors de la présentation des réalisations de l'an budgétaire 2020-2021. Diokoubraï fait savoir également que le Burundi a bénéficié d'autres accords et abandons de dette à part les collectes faites par le BR. Domitien Diokoubraï. À propos des recettes intérieures, sur une prévision de recettes de 1 054 080 000 000, pour l'exercice budgétaire 2020-2021, les services de l'Office burundais des recettes ont recouvré un montant de 1 133 999 000 000, soit un taux de réalisation de 107,5%. En ce qui est des financements extérieurs, dans le cadre de la mobilisation des ressources extérieures, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère des Finances, a procédé aux négociations qui ont abouti à la signature des accords de financement respectivement avec le groupe de la Banque africaine de développement pour un montant de 15 millions d'unités de compte, avec la République populaire de Chine pour 50 millions de yuan et avec le groupe de la Banque mondiale pour un montant de 66 millions de dollars américains. Il y a eu aussi un allègement de la dette de 14,46 millions de DTS avec le Fonds monétaire international dans le cadre de la riposte contre la pandémie de la COVID. Au cours de l'exercice budgétaire 2020-21, sur une prévision annuelle de dépenses de 1162 969 231 francs burundais du budget de l'État, un montant de 1152 681 924 993 francs burundais a déjà été exécuté, soit un taux d'exécution de 99%, et cette exécution est hors don et prêt. Monsieur Ndioko Bwayo, ministre des Finances, du budget de l'État et de la planification économique, ajoute qu'un numéro WhatsApp 77-531-005 du ministre en personne a été mis en place pour porter à sa connaissance les plaintes et réclamations des citoyens contre les mauvais comportements du ministère. Et toujours dans les réalisations, le ministre de la Défense nationale tranquillise les anciens combattants que dans un prochain avenir, un contexte réglementaire qui régit ces anciens combattants sera mis en place. Alain Tribert Mutabadi, qui le dit, indique que ce contexte réglementaire n'attend que l'adoption au sein du Conseil des ministres. Il a dit ce lundi, toujours dans une conférence de presse lors des présentations des réalisations trimestrielles. Et l'ONG Action pour la réconciliation et la gestion du passé au Burundi, Argebu, appelle la commission Vérité et Réconciliation Sévère à tranquilliser tous les esprits sans distinction et éviter à blesser certains. L'Argebu invite aussi le gouvernement du Burundi à faire respecter les sites des déplacés qui sont dans les dites provinces du pays. Lancement sont lundi 26 juillet des activités des élèves de la commune Mukaza de la mairie de Bujumbura en vacances. Plus de 300 élèves dans toutes des zones de cette commune urbaine de Mukaza ont répondu présents dans ces activités. Renova Sindayebura, administrateur de cette commune, a invité les élèves à répondre massivement dans les différents travaux organisés dans les zones de la commune Mukaza, car ces travaux seront d'ultime bénéfice. 19h14, point final à cette actualité de la soirée de ce lundi. Merci à tout un chacun pour sa parfaite collaboration. Merci pour votre fidélité. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayehura et une bonne soirée et bonne suite de programme.